Sauvez les enfants palestiniens. Sauvez les enfants israéliens. Ils ont trahi Israël sous nos yeux. Cette fois, j'irai me plaindre au bon Dieu. 6 millions de Juifs brûlés dans la fournaise. Et les survivants sont piégés dans une guerre de 100 ans. Et les survivants sont piégés dans cette guerre qui prend son temps. Sauver les enfants israéliens. Il faut sauver les enfants.